Bonjour et bon dimanche et bienvenue dans ton morning Bisoy. Il est 10h, on se permet d'arriver un petit peu plus tard, hein, le dimanche. Aujourd'hui, on est là pour du calme, pour de la douceur, pour un peu de lumière. En plus, il fait soleil dans à peu près tout le pays. Et pour quelques idées pour finir la semaine en beauté. Et je te propose de commencer ce dimanche et de commencer ce morning tout de suite avec le célèbre morceau « Here Comes the Sun » des Beatles. Je te passe ça tout de suite pour bien te réveiller, pour bien te mettre en jambes en ce dimanche matin. Et on se retrouve juste après sur Bisoy. Bon réveil avec nous. Ou si tu es réveillé depuis un petit moment maintenant, eh bien, bonne poursuite de journée et bonne matinée. Je pense que tu seras d'accord avec moi, difficile de faire plus lumineux pour une ouverture dominicale. Ce morceau, Here Comes the Sun des Beatles, a cette capacité rare à donner immédiatement l'impression que la journée s'ouvre un peu plus largement. C'est parfait pour un dimanche de transition entre repos et reprise en douceur, et oui, car malheureusement, à un moment ou à un autre, il faut reprendre le taf, hein. Demain, voilà. Si tu as la chance de reprendre le taf demain, alors oui, quelque part, c'est une chance de travailler. Ou si tu reprends les cours ou autre, hein, voilà. On reprend tout doucement, on se prépare, on profite de cette dernière journée dans la bonne humeur, avec de la bonne musique et avec de la douceur. Et on enchaîne avec la minute curiosité du jour. Le dimanche, beaucoup de gens ressentent un mélange bizarre de repos et d'anticipation de la semaine à venir. C'est peut-être ton cas. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. C'est normal, hein, car le cerveau commence à préparer le prochain cycle tout en essayant de rester dans le calme. Le meilleur antidote, c'est souvent de garder un rythme doux, de ne pas surcharger la matinée et de s'offrir un vrai moment à soi, de faire quelque chose qu'on aime, d'aller faire une petite promenade en forêt ou d'aller où tu veux, tant que tu te retrouves avec toi-même. C'est ça le plus important et c'est ça qui va dire à ton cerveau que qu'il peut préparer la suite tout en douceur. Le cerveau est plein de mystères, hein, tu seras d'accord avec moi. Allez, on poursuit avec Landslide de Fleetwood Mac. Je crois que je t'avais passé un morceau de Fleetwood Mac juste hier matin. Eh bien là, je t'en passe un autre. C'est Landslide et on se retrouve juste après sur Bisoy. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? C'est un titre tout en finesse qui a cette force tranquille des morceaux qu'on écoute sans se presser, hein, c'est dimanche. On prend le temps d'y aller doucement. Il accompagne parfaitement le dimanche parce qu'il laisse respirer les émotions sans les brusquer. Voilà, tout en douceur. C'est le principal et c'est ce qu'il faut. Allez, on passe maintenant au bon plan culturel en France. Pour aujourd'hui, rendez-vous à la comédie Oberkampf dans le 11e arrondissement de Paris pour une pièce de théâtre intitulée « Chérie, on se dit tout ». Aujourd'hui, il y a deux séances, une à 16h et une à 18h. Donc si tu es dans le coin et si tu aimes le théâtre, parce que le théâtre c'est bien, voilà, c'est mon argument. Eh bien, n'hésite pas à t'y rendre, mais tu te demandes peut-être de quoi cette pièce se parle. Eh bien, je vais te lire le résumé tout de suite pour te donner une idée. Entre l'homme et la femme, une seule règle, ne pas se fâcher. Florence et Damien sont ensemble depuis 7 ans. Florence décide qu'il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d'un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire. Leur contrainte, ne jamais se fâcher. La famille, les amis, le quotidien, tout y passe. Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi? La comédie Chérie, on se dit tout retourne sur les planches parisiennes. Les auteurs Guilhem Connac et Benoît Labanière n'en sont pas à leur première collaboration et ils ont déjà écrit ensemble Règlement de couple et Dans la peau de ma femme. Leur nouvelle comédie Le Grand Soir d'après le film The Full Monty est actuellement en tournée. Et toujours aujourd'hui, mais à 14h30, hein, cette fois-ci, et toujours à Paris, tu peux aller redécouvrir la pièce de théâtre Roméo et Juliette. Ça se passe toujours à l'Opéra Bastille, dans le 12e arrondissement. Je t'en avais déjà parlé la semaine dernière. Eh bien, sache que cette pièce est toujours d'actualité cette semaine. Elle le sera jusqu'au 12 mai prochain. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller voir cette revisite, on va dire, de la fameuse pièce de William Shakespeare, eh bien, n'hésite pas. C'est aujourd'hui à 14h30 et il y aura des séances dans les prochains jours, tu peux te renseigner. Bien sûr, tu as toutes les informations sur ton moteur de recherche favori. Et on termine cette parenthèse apaisée avec un autre morceau très connu. Tout à l'heure, nous avons écouté les Beatles. Aujourd'hui, je te passe un morceau, de John Lennon qui faisait partie des Beatles avec son célèbre titre Imagine. Je te passe ça tout de suite pour terminer ce morning en beauté. A tout de suite sur Bisoy. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You do. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. C'est un morceau qui traverse les années, hein, avec la même force simple, hein. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Une idée, une voix, un piano et beaucoup d'espace pour respirer, c'est le genre de titre qui convient à merveille à la fin d'un week-end quand on a envie de douceur et de sens. Et pour terminer ce morning, place à l'horoscope Bisoy et on commence, comme tous les jours, par les béliers. Ralentir te fera plus de bien que de foncer. Taureau, tu trouveras du confort dans la stabilité du jour. Gémeaux, un échange sincère t'apaisera. Cancer, c'est une très belle journée pour te recentrer. Lion, une pause te permettra de mieux repartir ensuite. Vierge, la simplicité est ton meilleur plan aujourd'hui. Balance, l'harmonie revient tout doucement, que ce soit en amitié ou en amour ou dans ta vie dans un sens général. Scorpion, un calme intérieur te sera précieux. Sagittaire, une idée d'évasion pourrait te faire sourire. Capricorne, tu récupères mieux quand tu lâches un petit peu prise. Verseau, le dimanche peut t'apporter une bonne surprise tranquille. Et enfin, Poisson, aujourd'hui est une journée idéale pour l'inspiration, pour la musique et pour le repos. Voilà, c'était ton Morning Bisoy pour ce dimanche. Bien sûr, on se retrouve dès demain à 7h pour commencer une nouvelle semaine ensemble. Voilà pourquoi on arrive à 7h du lundi au vendredi. Je te rappelle que le samedi c'est à 9h et le dimanche c'est à 10h. Voilà, on se fait un petit kiff le week-end. Merci d'avoir terminé la semaine avec nous et que cette journée te laisse du calme, de la musique et des belles ondes. Pour la suite et pour avoir de la musique et des belles ondes, n'hésite pas à rester connecté sur Bisoy. On diffuse 24h sur 24 et 7 jours sur 7 du bon son pour ton plus grand plaisir. Si les morceaux qu'on te passe te plaisent, n'hésite pas à nous faire tes retours sur la page Facebook de Bisoy. Et j'ai la chance toutes les semaines d'avoir un récap des performances de Bisoy de la semaine. Et je constate que toutes les semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à nous et nombreuses à nous écouter. Vous partagez vos morceaux favoris sur le lecteur, etc. Et pour ça, eh bien, je t'en remercie, je vous en remercie, on vous en remercie. En attendant, c'est comme d'hab, hein, sois, sens, vibre, bi, feel, vibrate. Et tu sais pourquoi? Bien sûr que tu le sais, car Bisoy, c'est le son qui bouscule les codes. Salut et à demain 7h.